s'éveille et ouvre les yeux, il tend l'oreille. Depuis les cieux, l'homme le réveille et se prend pour Dieu, casse son sommeil. C'est ennuyeux. Y'a trop de bruit pour pas grand chose, et même la nuit n'est plus une pause. Depuis qu'il a croqué le fruit, y'a plus moyen qu'on se repose. Au paradis, les anges en ont ras-le-bol, les hommes foutent de leur gueule. Plus d'harmonie du ciel au sol, si les anges tirent, l'homme est tout seul. Des idées noires sur fond d'orage, les larmes qui choient sur les rivages, c'est l'ange qui pleure dans les nuages, toute sa blancheur est dans le cirage. Mais il voit rouge au bord du monde, les âmes qui bougent, brouillent ses ondes, il vit révolte, brûle ses ailes, tout ce qui importe n'est plus réel. Au paradis, les anges en ont ras-le-bol, les hommes foutent de leur gueule. Plus d'harmonie du ciel au sol, si les anges tirent, l'homme est tout seul. Les anges décident de faire la grève, de regarder les hommes qui se crèvent. Ils manifestent dans leurs rêves en attendant que le jour se lève. Ils ont l'espoir que l'homme se réveille, qu'il réalise d'autres merveilles, même si c'est dur. Au paradis, les anges ont l'habitude, les hommes foutent de leur gueule. Plus d'harmonie du ciel au sol, mais les anges restent, l'homme n'est pas seul.